Voyage en Grèce aujourd'hui. Alors la Grèce, elle comprend des milliers d'îles qui parsèment les mers Égée et Ionienne. Et puis la Grèce, très influente pendant l'Antiquité, a été baptisée le berceau de la civilisation occidentale. En Grèce, 11 millions d'habitants, capitale Athènes, et 700 000 Athéniens, au Fanfaros, Aris Alexiou. Απόψε πήρε άδεια και με την τσέπη άδεια τραβάει για την πόλη. Ρίχνει ένα γεια σου στο φρουρό, σαλτάρι σε ένα φορτηγό κι ο χάρος δεν γλιτώνει. Έλα στην παρέα μας φαντάρε, κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Σαν την παλιά αρχόντισσα ανάβει τα κολλιέ της. Μα σαν το φέρνει στα στενά τον κουβεντιάζει μοναξιά, το παίρνει αγκαζέ της. Έλα στην παρέα μας φαντάρε, κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Βιάσανε στο ταβερνάκι μπαίνει. Κάποιον να βρει για ένα πιωτό, να έχουν τον ίδιο τον καημό μαζί να δουν που βγαίνει. Έλα στην παρέα μας φαντάρε, κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ballade autour du mot. Ah bah tiens, quand il s'agit de ballade dans le sens de promenade, balade ne prend qu'un seul L. Je me balade un seul L. Mais lorsqu'il s'agit d'un morceau musical, une balade, ça prend deux L. Et c'est une chanson sortie en 2016, Ballade avec deux L, dans laquelle Renaud évoque la puissance salvatrice de l'écriture. Il rend hommage à Paul Léoto, Georges Brassens, Claude Nougaro et Victor Hugo. Les mots Renaud. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau,

Ma chère maman, je vous écris. Ah. Ou le Pelot d'Enbon. Ben, c'est une chanson de Triane qui reprend la lettre d'un soldat breton parti combattre avec les armées françaises. Et ce Pelot d'Enbon, il a une capacité à tuer tout ce qui bouge et cela impressionne tellement le roi qu'il lui offre une médaille en récompense. Alors notre Pelot d'Enbon ne sait pas trop ce qu'est une médaille, mais il se rend compte quand même qu'elle lui confère un meilleur statut auprès des autres. Ma chère maman, je vous écris, Triane. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que je sommes déjà caporal et serons bientôt général. Que je sommes déjà caporal et je serons bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. Et tous ceux qui se présentions, un grand coup de sable les émondions. Et tous ceux qui se présentions, un grand coup de sable les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. C'est son quartier, c'est point mon nom, j'y dis je m'appelle Pelot d'Enbon. C'est son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelot d'Enbon. Un bio ruban et je ne sais quoi au bout d'argent. Il attirise un bio ruban et je ne sais quoi au bout d'argent. Il me dit bout de ça si ton ami et combat toujours l'ennemi. Il dit bout de ça si ton ami et combat toujours l'ennemi. Quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Ce soit quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Les bouts de l'humain à l'ouchapiot quand ils veulent compter au pelot. Les bouts de l'humain à l'ouchapiot quand ils veulent compter au pelot. Thank you. combattant, je vous enverrai ce bioruban. Ah, merci, je meurs en combattant, je vous enverrai ce bioruban. Et vous le voudrez à votre fusion, en souvenir du gobelot. Et vous le voudrez à votre fusion, en souvenir du gobelot. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Je suis leur humble serviteur, pelot qui vous embrasse de cœur. Je suis leur humble serviteur, pelot qui vous embrasse de cœur. Et voilà maintenant le moment que je redoute dans cette émission, celle où je vais encore me prendre quelques cajots de tomates pas fraîches à travers la tronche. Enfin, tant pis, je me lance dans du créole, mon Dieu. Chérie, alors là, jusqu'à là, ça va. Chérie, depuis jour là où t'es v'lé les émouines, Anne qu'a mandé pour qui pourquoi, ou qu'a fait mouine, souffait comme ça. Ouais, d'accord. Oh, je vois d'ici les Antillais se taper sur les cuisses. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. Allez, moi, je ne peux pas oublier Alex et Catherine. C'était un jour, t'es grand bonheur de tes contrées. Leur voix nous venait, mais ça t'est l'amour. Oh bébé, l'envenir mais sans faire exprès. C'est qu'en explosion, partie de fille en moi. La vie, pour moi j'en dis pas qu'à compter. Demain, peut-être c'est bon. Leur point chez moi et puis parti pour un grand voyage sans lendemain. Thank you. déjà l'amour tout presque brisé. Nous continuons notre promenade autour du mot « mot » M-O-T, et Céline Dion qui chante « Luc Plamondon ». C'est un titre qui est sorti en 1991, des mots qui sonnent Céline Dion. Baby, fais-moi une chanson. Réponds au moins au téléphone. Je sais bien que ton occupation préférée c'est d'avoir du fun. Mais moi j'ai besoin de ma chanson. Toutes mes lignes de téléphone sonnent. J'suis booké à la télévision dans tous les shows de promotion. Qu'est-ce que je vais faire? Sens à ma musique. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui cognent sur l'accent tonique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. Je peux venir te tenir la main, te faire un double expresso. Faut que tu me la finisses avant demain, sinon mon planète tombe à l'eau. Donne-moi au moins l'idée du refrain, faut que je tourne une vidéo. Tu peux parler de tout et de rien, pourvu que j'ai mon scénario. Donne-moi juste une heure de ton inspiration. Oh, oh. Pense à tes droits d'auteur. Oh, oh. Faut que je monte au moins jusqu'au top 10. Et pour que tu penses à elle, mes femmes, écris-moi des mots qui sonnent. Écris-moi des mots qui donnent sens à ma musique. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots right on avec la rythmique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. Écris-moi des lignes qui swing comme du Sting, qui sonnent comme du Jackson. Des mots qui riment, des mots qui pensent et qui balancent. Des mots qui disent ce que tu dirais toi si tu avais ma voix. Écris-moi des mots qui dansent. Écris-moi des mots qui Voyage en Grèce. Vous avez faim ? Non, pas encore, il n'est que, quoi, 10h30. Bon, mais ça fait rien, on va quand même en manger, hein. La cuisine grecque est très souvent inspirée de la cuisine turque. Mais alors, huilée, et puis bien huilée, hein. Alors, on pourra déguster la salade grecque, avec des tomates, concombres, poivrons verts, oignons, olives et feta. Le tzatziki, yaourt, concombre, ail pilé, huile d'olive et menthe. La moussaka, là, je ne vous fais pas l'injure de vous dire ce que c'est le plat national grec. Baklava, riz au golo, c'est du riz au lait saupoudré de cannelle. Et puis le halva, une crème de sésame. Ah, n'oubliez pas, consommer avec modération. L'ouzo, c'est le pastis local. Puis alors surtout, ne commandez pas de champignons à la grecque en Grèce, ça ils ne connaissent pas. Au Caïmo, Wiki, Leandros. Το κρίμα Martelot, comprenez trois matelots, est une chanson traditionnelle bretonne, une ronde à trois pas, un, deux, trois, et qui peut être également dansée en gavotte. Alors, il s'agit dans cette chanson de l'histoire de trois jeunes matelots, et l'histoire dérive rapidement sur un dialogue amoureux, Tri Martelot, Alan Stival. Balade avec un seul L autour du mot M-O-T, un grand troubadour des temps modernes, dont chaque chanson est un trésor. Le pays des mots d'amour, Yves Dutheil. D'où nous viennent les rengaines que l'on chante au salon, où s'envolent les paroles des chansons. Les histoires, certains soirs, sont cachées dans les miroirs. Au matin, bien malin qui pourrait voir. Le pays des mots d'amour dans les reflets du velours. Le pays des mots câlins dans les reflets du satin. Le pays des modèles dans les reflets. reflets du passé, celui des mots défendus dans les reflets disparus, le pays des mots d'enfants dans les reflets du printemps, celui des mots oubliés dans les reflets d'un cahier, tous les mots qui font croire aux reflets dans les miroirs, bien malin qui peut les voir. Au pays de mon enfance, les rideaux sont tirés, sur la ville le silence est retombé. Le piano refermé et la chanson terminée, au matin, bien malin qui peut trouver. Nos mots tendres et nos amours dans les reflets du velours, la lumière de nos matins dans les reflets du satin, les sourires du hasard qui font sourire nos mémoires pour nous offrir en passant le passé comme un présent, le pays des souvenirs sous les reflets du saphir, dans les éclats du diamant, celui des mots qu'on attend, les bonheurs dérisoires qui nous offrent un peu d'espoir, bien malin qui sait les voir. Du passé, celui des mots défendus dans les reflets disparus, le pays des mots d'enfants dans les reflets du printemps, celui des mots oubliés dans les reflets d'un cahier, tous les mots qui font croire aux reflets dans les miroirs, bien malin, qui peut les voir. Bon, voilà, on est allé en Grèce et maintenant on se pose la question. Qu'est-ce qu'on va rapporter de notre voyage de Grèce ? Alors, un bijou en or, tiens, pourquoi pas ? Pratiquement toute la joaillerie est fabriquée à la main en Grèce. Et puis des herbes et des épices grecques, huile d'olive et tous les produits à base de mastilla. Ah, la mastilla, c'est quoi ? Eh bien, c'est une résine qui ne peut être obtenue qu'à partir d'arbres qui se trouvent sur l'île de Chios. Ça s'écrit C-H-I-O-S. Je ne suis pas certain que ça se prononce Chios, mais moi je le prononce comme ça. Alors c'est un mastic qui est doté de propriétés médicinales et organoleptiques uniques, utilisées entre autres dans la fabrication du chewing-gum, des liqueurs et des produits cosmétiques. À part cela, on pourra ramener des sandales en cuir, des sculptures, et des produits d'artisanat en bronze. Des copies de célèbres pièces de musée. Tiens, ils font ça. Produits en cuir, en peau ou en fourrure. Éponges naturelles de Kalymnos. Et divers objets en bois d'olivier. Quant aux musiciens, ils se laisseront tenter par un bouzouki. Et les joueurs par un plateau de backgammon. De backgammon fait à la main. Une chanson maintenant composée pour le film « Jamais le dimanche » en 1961 et qui obtint l'Oscar de la meilleure chanson originale. Bien entendu, vous vous attendez à cette chanson. Et bien la voilà, « Les enfants du Pirée », Nana Mouskouri. Όσο τον Πειραιά που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γεμίζει από παιδιά. Παραθύρω μου στέλνει ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο τον Πειραιά που όταν βραδιάζει μαζί τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές θαλάζει και εμείς από παιδιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Tatiana Miat est une artiste qui vogue dans différents univers musicaux, tels la musique électronique, le reggaeton, le hip-hop et enfin le zouk. Où te connaître, Tatiana Miat. Moi, baby, même si nous loin, baby, toujours en cœur, moi. Allez, on se prend une dernière chanson bretonne pour la route. Oui, dernière chanson bretonne programmée ce jour dans les prisons de Nantes, Triane. À boire, à boire et à manger, à boire et à manger. Et des chemises blanches, et des chemises blanches, quand il veut en changer, il veut en changer. Et un, il lui demande, il lui demande, et que dit-on de lui, que dit-on de moi? En ville, nous allons laisser le soin de conclure cette émission à Christophe avec une chanson dont les paroles sont de Jean-Michel Jarre et c'est une chanson qui est sortie en 1974. Chanson qui incarne la difficulté d'exprimer des sentiments amoureux pour les vers. C'est une chanson qui va également clôturer notre chapitre balade autour du mot « mot ». Parler me semble ridicule et pourtant il faudrait que je lui parle à tout prix. Les mots bleus, Christophe. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre.